C'est l'heure du grain de sable. Le grain de sable d'Attaque Québec. Bonjour à tous, c'est Michel Monnette au micro. Le grain de sable, c'est de la musique engagée. C'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci est réalisé par le collectif radio de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, Attaque Québec. Cette semaine, je m'entretiens avec l'économiste Yannick Marcille, qui nous présente sa chronique mensuelle sur les utopies concrètes. En cette journée internationale de la femme, il nous parlera d'équité salariale entre les hommes et les femmes. Puis Claude Vaillancourt nous présentera son éditorial mensuel. En deuxième partie d'émission, Nicole Moreau nous amène aux îles de la Madeleine. Bonjour Nicole. Bonjour Michel. Alors qu'est-ce qu'on va faire aux îles de la Madeleine? On va rencontrer Natalia Porowska, une agroforestière. Une agroforestière, on a bien hâte d'entendre ça. Et donc, elle va nous parler d'autonomie alimentaire des îles de la Madeleine, c'est ça? Oui, de production en circuit court, d'agriculture soutenue par la communauté. Ça risque d'être fort intéressant. Enfin, Michael Lessard, bonjour Michael. Bonjour. Bonjour Michael, enfin, vous allez nous présenter l'agenda progressiste de la semaine, c'est ça? Oui. Évidemment avec un spécial 8 mars. Un spécial 8 mars, donc on va suivre tout ça après la musique qui suit. Au bout du fil, Yannick. De retour à Grain de sable, j'ai au bout du fil Yannick Marcille. Bonjour Yannick. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien vous-même. Ça va très bien. Donc aujourd'hui, Yannick, vous allez nous parler d'une utopie concrète. Oui. Qu'est-ce qu'une utopie concrète? Écoutez, c'est un terme un peu paradoxal, mais comme on le fait à chaque mois, on essaie de voir comment on peut améliorer le sort du monde, en quelque sorte, de façon utopique, mais par des moyens très terre à terre, très concrets, et pour montrer qu'il est possible, peut-être difficilement, mais qu'il est possible de changer les choses pour le mieux. OK, excellent. Donc, c'est un moyen d'appliquer concrètement un idéal, si je comprends bien. Exactement. OK. Et ce mois-ci, vous allez nous parler plutôt d'équité salariale à l'occasion de la Journée internationale de la femme? Ben, exactement. Hein. Je pense que là, le hasard a fait en sorte que nous sommes le 8 mars aujourd'hui. C'est une question en termes de justice économique et sociale qui demeure d'actualité, malgré ce que plusieurs prétendent. Hein. On a l'impression, en fait, que parce que les droits, l'égalité dans les droits, donc dans la loi notamment, entre les femmes et les hommes est acquise depuis quelques décennies, que le travail est fait. Donc, ce ne serait plus une bataille. Or, dans la réalité, c'est loin d'être le cas. Donc, dans les faits, cette égalité, cette équité est loin d'être atteinte. N'est pas encore atteinte. Quelles sont les causes qui expliquent l'iniquité salariale en général? Elles sont multiples et interreliées en quelque sorte. Donc, juste peut-être pour remettre en perspective là, cette réalité-là, pour qu'on comprenne de quoi on parle. Là, au Québec, je parle pas ailleurs dans le monde, c'est encore pire, mais juste au Québec, les femmes gagnent moins de 75%, donc moins du trois quarts du salaire des hommes. Autrement dit, en moyenne, les femmes gagnent 75 sous par dollar que les hommes gagnent. Pourquoi c'est comme ça? Mais il y a des causes historiques très, très, très lointaines, hein, qui font en sorte que ce qu'on appelle le patriarcat s'est imposé depuis des centaines et des centaines d'années, qui font en sorte que le travail des femmes est inféodé en quelque sorte à celui des hommes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire, par exemple, que 70% des femmes travaillent dans des emplois traditionnellement féminin. Et on pense essentiellement ici là, à deux grandes catégories, l'éducation et la santé, qui sont quand même deux formes d'emploi très, très importantes dans nos sociétés. Alors, c'est encore à 70% des femmes qui travaillent dans ce genre dans ces catégories d'emploi. Mm-hmm. Et on traîne en quelque sorte les tendances historiques qui font en sorte que ben on rémunère moins ces emplois-là que des emplois, par exemple, d'ingénieurs ou même des emplois manuels dans la construction, en usine, etc. Donc, autrement dit, c'est malgré l'évolution, les progrès acquis, qu'il ne faut pas nier, hein, ils sont réels et existants, on traîne ces tendances historiques très, très lourdes encore aujourd'hui, en 2014, encore une fois, malgré les progrès qu'on a fait en termes de droits, hein, d'un point de vue légal pour les femmes. Puis ça, c'est tout domaine confondu, ou plus spécifiquement dans certains domaines, là, comme vous disiez, la santé, l'éducation, où on retrouve beaucoup de femmes depuis historiquement? Bien, c'est-à-dire, ceci explique cela. Hein, c'est parce que les femmes demeurent encore majoritairement dans des emplois traditionnellement féminins qu'on considère. On continue d'avoir en moyenne cet écart-là dont je parlais d'entrée de jeu, là, d'à peu près 75% du salaire des hommes qui est gagné par les femmes. On voit, et souvent, il y a un contre-argument qui est une espèce de légende urbaine en quelque sorte, où on nous dit, ben ouais, mais ça c'est normal, on voit toute la population, donc on prend les plus âgés qui n'ont pas eu la chance, par exemple, d'avoir une scolarité meilleure que les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes finissantes. Or, même les finissantes, donc les jeunes femmes qui rentrent sur le marché du travail après avoir obtenu un diplôme universitaire, par exemple, gagnent moins que les hommes à profession similaire. Encore alors, même aujourd'hui, on continue à perpétuer ça, même pour les jeunes qui sortent sur le marché du travail après leur scolarité. OK. Mais donc, Yannick Marcil, pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est l'équité finalement? L'équité, on parle d'équité salariale, mais l'équité dans le travail, ce serait quoi qu'on pourrait rechercher? Il y a deux volets. Hein. Il y a un volet qui est très, très basique, là, si je puis dire, c'est-à-dire qu'à travail égal, on devrait tous gagner à peu près le même salaire, qu'on soit homme, femme, blanc, noir, immigrant, pas immigrant, etc. Alors, on sait que ça n'est pas le cas. Donc, pour le même boulot ou le même type de travail, donc qui nécessite la même formation, la même expérience, la même expertise et le même effort, cette équité entre les femmes et les hommes n'est pas atteinte. Il y a des lois au Québec, notamment, qui qui impose cette équité-là, notamment au sein de la fonction publique, pour et qui cherche à comparer le même type de travail qui est fait par les femmes et les hommes et qui oblige l'employeur à payer de façon similaire les femmes et les hommes. Ça, c'est un premier volet très, comment dire, technique à la limite. Hein? On gagne le même salaire pour le même job. Mm-hmm. Il y a un deuxième volet qui est beaucoup plus complexe et plus structurel, c'est l'accès à ces emplois-là. Pensons, par exemple, c'est un peu caricatural, mais ça demeure réel, pensons au métier de la construction. Hein? Il y a une femme pour 10 hommes qui travaille dans l'industrie de la construction. Donc, cette image de la femme qui manie le marteau, la scie ou l'engin à souder demeure encore très, très, très marginale. Donc, on a là une difficulté d'accès à certaines catégories d'emplois. Laquelle difficulté d'accès est créée, en quelque sorte, par tout un ensemble autant de facteurs autant symboliques, culturels, historiques, et j'en parle. On a encore, malgré ces avancées, même dans la culture populaire, c'est-à-dire qu'on considère que, je pense, de façon assez générale, que les hommes et les femmes devraient être sur un même pied d'égalité, les femmes ont de la à atteindre certains métiers, certaines professions, à cause d'un espèce d'héritage symbolique et culturel qui pèse encore très, très lourd sur notre société. OK. Et il y aurait une autre troisième barrière à l'équité salariale entre les hommes et les femmes? Ou c'est les deux, l'accès Mais à différents métiers? Après ça, c'est le troisième élément, c'est les aspects non économiques, non reliés à la profession, c'est-à-dire le rôle de la femme dans la société qu'on lui donne encore et qui l'empêche, entre guillemets, ou qui limite à tout le moins son accès aux mêmes professions. Et là, je pense, par exemple, au rôle de la femme comme mère, comme responsable des tâches ménagères, qui sont encore de sa responsabilité en grande partie dans notre société, malgré ce qu'on pourrait croire. Donc, parce qu'on demande à la mère d'être à la fois une travailleuse, avoir sa profession, mais aussi une mère au foyer, mais aussi s'occuper des enfants. Hein. Le cas classique, c'est que les congés ou les absences au travail causées par la maladie d'un enfant ou les problèmes X ou Y que l'enfant puisse avoir sont assumés essentiellement dans une grande proportion par la femme. Donc, c'est une limite culturelle, en quelque sorte, ou sociologique, qui s'ajoute aux autres. À un moment donné, il y a 24 heures dans une journée pour tout le monde, puis on a tous à peu près la même énergie. Et les femmes, donc, sont pénalisées parce que, culturellement et sociologiquement, elles continuent à devoir assumer un rôle différent de celui des hommes. Mm-hmm. L'équité salariale, donc, c'est pas seulement une mesure, une loi qu'on pourrait implanter dans la société ou une mesure politique qu'on peut prendre, c'est un changement de culture, si je comprends bien. Exactement. Et c'est là où dans l'ordre des solutions, les lois sont évidemment nécessaires, importantes, et il y a encore beaucoup de chemin à faire pour qu'elles soient appliquées comme du monde. D'ailleurs, on a appris cette semaine que le gouvernement du Québec allait en appel d'une décision de la Cour supérieure du Québec qui imposait cette décision juridique-là, qui imposait que la loi même du gouvernement du Québec devait s'appliquer de façon immédiate, c'est-à-dire que dès qu'il y avait des changements dans la situation d'emploi d'une femme, elle devait s'appliquer de façon immédiate. Alors le gouvernement prétend qu'il devrait y avoir un délai d'ajustement de 5 ans. Alors oui, même le propre gouvernement qui conteste le fondement même de sa loi. Donc la loi est nécessaire, mais on a encore du chemin à faire. Mm-hmm. Mais au-delà de ça, il y a, comme vous venez de le dire, il y a des changements culturels importants qui doivent se faire, sinon, à cause étant donné les causes dont j'ai parlé, sinon on n'arrivera jamais à cette équité-là. Et à cet égard, par exemple, il y a beaucoup d'organisations de défense des droits des femmes, je pense au Conseil du statut de la femme du Québec, à la Fédération des femmes du Québec, qui militent pour avoir, par exemple, davantage de femmes sur les chantiers de construction, en génie, donc dans les métiers, les professions non traditionnellement féminins, qui vont voir les jeunes à l'école, mais très tôt, là, au primaire et au secondaire, pour leur expliquer comment leur avenir peut être aussi, en tant que des initiatives dans les groupes communautaires pour en faire la promotion de la même manière. C'est des initiatives pour favoriser la conciliation travail-famille, comme on dit, et que les hommes et les femmes puissent partager ces responsabilités-là. Donc, vous voyez, c'est un ensemble très vaste d'initiatives, de politiques, de sensibilisation pour justement, comme vous venez de le dire, changer la culture profondément ancrée qui cause ces inégalités-là. OK. Il nous reste peu de temps, il nous reste 2 minutes, mais moi, ma question, c'est, vu que vous êtes économiste, la loi de l'offre et la demande ne devrait pas normalement être capable de réguler naturellement ce type de situation? Hélas, non. Hélas? Pour une raison assez simple, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a l'offre et la demande. Donc, si on demande, l'employeur ou les employeurs, de façon majoritaire, demandent des salaires plus bas pour certains métiers ou pour les femmes de façon plus générale, la loi de l'offre et la demande, justement, va faire en sorte que les femmes auront un salaire moins élevé. Hein, c'est la raison pour laquelle il y a des mesures coercitives d'équité à l'emploi, de discrimination positive qui ont été établies pour casser ces mécanismes de marché naturel qui ne règlent pas la situation. Si c'était le cas, ça fait longtemps que ça aurait été le résultat qu'on aurait vu, n'est-ce pas? OK. Juste pour rajouter mon petit grain de sel, mais les femmes, si elles avaient une rationalité économique, elles seraient capables normalement de pourvoir à leurs propres intérêts et à la défense de leur propre bonheur. Donc, normalement, elles devraient y arriver sans l'intervention de l'État. Oui et non. En disant cela, vous, malgré vous, vous optez pour une vision un peu individualiste de la relation de négociation, en quelque sorte. Or, à un certain moment donné, ça prend une union, ça prend la force du groupe pour pouvoir changer des réactions institutionnelles bien établies. Et c'est la raison pour laquelle ça n'est pas que l'intérêt rationnel des femmes individuellement qui doit être mis de l'avant, mais peut-être l'intérêt rationnel des femmes de l'avant collectivement, justement. D'accord. Bien, merci beaucoup, Yannick Marcil. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes économiste indépendant et qu'on peut en savoir plus sur vos activités sur votre site yannickmarcil.com. Donc, au revoir. Merci beaucoup. Au plaisir. Au plaisir. À bientôt. Donc, on part bientôt, on part maintenant en musique avec la pièce « L'hymne des femmes » de la compagnie Jolie Môme. Levons-nous, femmes esclaves, et De retour au grain de sable, c'était la compagnie Jolie Môme avec la pièce L'hymne des femmes. C'est maintenant l'heure de l'éditorial du président d'Attaque Québec, Claude Vaillancourt. Personne ne peut être devin, mais quelque chose me dit que la prochaine campagne électorale ne nous surprendra pas. Le résultat pourrait, selon une faible éventualité, causer quelques surprises, mais le parcours pour nous y rendre sera très familier. Osons toutefois imaginer ce que serait une véritable campagne électorale qui irait au fond des choses et jouerait sans réserve le jeu de la démocratie. Un genre de campagne électorale qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais, à laquelle on peut cependant rêver. Les partis politiques offriraient un véritable choix aux électeurs et électrices et proposeraient autre chose que les seules recettes néolibérales. Même les partis aptes à prendre le pouvoir proposeraient des solutions originales et audacieuses pour améliorer la condition des électeurs et des électrices. Pour rehausser les finances publiques, les partis proposeraient d'autres solutions que de couper dans le gras ou d'appliquer sans imagination des politiques d'austérité. L'état pas très reluisant de nos écoles, de notre système de santé et la perte d'expertise chez les fonctionnaires montrent bien qu'il faut plutôt aller chercher de nouveaux revenus, et ça ailleurs que dans les poches de la classe moyenne. Diverses solutions seraient débattues. Ajouter de nouveaux paliers d'imposition pour les revenus les plus élevés, lutter contre l'évasion et l'évitement fiscaux, rétablir la taxe sur le capital, exiger une plus grande contribution des entreprises, restreindre les échappatoires fiscales, hausser les redevances sur les ressources naturelles, etc., les idées ne manquent pas. Toute l'attention ne serait pas portée sur les chefs, mais sur les programmes des partis. Ceux-ci seraient soigneusement décortiqués et deviendraient l'enjeu principal de la campagne. Les chefs se fondraient à leur équipe, éviteraient les attaques personnelles et cesseraient de parler en leur nom. Ils ne seraient plus traités comme des stars qu'on suit à la trace, en rapportant leurs bons mots et leurs erreurs, mais comme des individus au service d'un programme conçu pour le bien du plus grand nombre. Le débat sur la charte de la laïcité n'occuperait pas une très grande place. On cesserait de stigmatiser une minorité de femmes musulmanes pour traiter la question de façon plus large. Les partis régleraient le problème en cherchant un consensus, qui n'est d'ailleurs pas très loin. Tous devraient trouver ensemble la meilleure solution pour construire un État laïque non exclusif. Ainsi, personne ne profiterait des dissensions pour se faire du capital électoral. Tous les partis devraient clairement expliquer leur position sur l'accord économique entre le Canada et l'Union européenne, qui aura de fortes incidences sur la vie des Québécois et des Québécoises. Ils se prononceraient sur la hausse du coût des médicaments, sur l'ouverture de nos marchés publics aux multinationales européennes, sur le privilège des grandes compagnies de poursuivre les gouvernements et sur les sérieuses menaces contre notre industrie fromagère. Ce sujet occuperait une grande place dans la campagne et tous conviendraient de la nécessité d'un véritable débat qui aboutirait à un référendum sur l'accord. La question de l'indépendance du Québec sera abordée avec une grande maturité. Les arguments de peur qui n'apportent rien au débat seraient rigoureusement écartés. Les médias accorderaient une attention équivalente à l'un et l'autre point de vue, et ça, même dans les pages éditoriales. Chacun des partis se prononcerait en faveur ou contre la représentation proportionnelle. Ceux qui seraient en accord présenteraient leur système qui serait alors discuté et qui fonctionnerait selon d'autres principes que leurs propres intérêts. Rien de cela n'arrivera, bien sûr. On assistera au même bon vieux combat de coq. Comme toujours, les médias, emprisonnés dans le présent perpétuel, commenteront le tout sans voir plus loin que le bout de leur nez, en marquant les bons coups et les mauvais coups, comme dans un match sportif. Les sondages agiront comme des girouettes en indiquant le sens du vent et la direction à suivre, et les citoyens et citoyennes assisteront à un spectacle qui les laissera en plan une fois de plus. C'était Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec. Donc, on va partir en pause publicitaire, mais restez avec nous juste après. On parlera avec une femme qui a plus d'un tour dans son sac pour réaliser l'autonomie alimentaire dans sa région avec sa ferme biologique et son projet agroforestier aux Îles-de-la-Madeleine. On part en musique avec Anne Sylvestre. À tout de suite. D'abord, elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Y avait rien d'autre, alors ensemble, elle a eu raison, eh bien non. Ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il l'a bouffé la pomme, jusqu'au trognon et vite fait. Oui, mais c'est la faute à Ève, il a rien fait lui Adam. Il a pas dit, femme, je crève, rien à se mettre sous la dent.

peut-être de mieux adapter nos milieux productifs à ce qui s'en vient du point de vue climatique. OK. Le contexte bioclimatique et les changements qui s'en viennent, assez importants. Ouais. Aux îles, vous avez démarré l'an passé avec votre conjoint une ferme de maraîchage biologique, les Jardins du Havre Vert. Vos objectifs sont de contribuer à assurer la sécurité et l'autonomie alimentaire. Ça doit être en lien donc avec la question de l'approvisionnement des gens des îles, ce qui n'est pas nécessairement évident l'hiver, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus concrètement vos objectifs? Oui. Aux îles, on importe à peu près 95% de notre nourriture, alors que historiquement, les îles étaient autonomes au niveau alimentaire, parce que à cause de leur isolement. Là on parle de 50 ans et dans un passé très, très rapproché. L'importation nous rend vraiment vulnérables au bouleversement lié au transport puis au climat, sans parler des émissions de gaz à effet de serre. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'assurer une partie au moins d'une production qui répondrait aux habitudes alimentaires quotidiennes des gens des îles, ainsi que l'approvisionnement de certains aliments qui gagnent vraiment à être mangés frais, comme par exemple tout ce qui est verdure, salade, etc., feuillage, là. Mm-hmm. Nous privilégions aussi des partenaires de proximité, c'est-à-dire on essaye de nourrir en premier les gens qui habitent notre propre île avant d'aller solliciter des clients sur le reste de l'archipel. Et là, on va chercher des gens qui vont surtout qui s'intéressent aux produits certifiés biologiques, parce qu'on est les seuls producteurs certifiés biologiques aux îles de la Madeleine. Dans le fond, ce que vous nous décrivez, c'est les circuits courts. Oui, oui. Okay. En fait, les circuits courts, c'est une question de favoriser des modes de mise en marché qui vont privilégier un contact personnel entre le consommateur puis le producteur et qui vont réduire les distances parcourues par les aliments. Nous, dans notre quotidien ou dans notre façon d'opérer, on privilégie une proximité physique avec les gens, mais aussi un lien de confiance qui est comme une proximité plus communautaire avec l'ensemble de nos partenaires. Puis c'est ça, il y a les partenaires. Donc avec vos acheteurs des produits que vous produisez? Oui, oui. Puis ces acheteurs sont, on les aborde de trois façons différentes, là, parce qu'il y a les paniers bio qui sont des portions hebdomadaires de légumes. Qui fonctionne à travers les initiatives d'agriculture soutenues par la communauté. On appelle ça les ASC, mm-hmm. Là, des fois on voit ça dans les médias, qui sont essentiellement une entente entre l'acheteur et le producteur, où l'acheteur s'engage à prendre une portion de légumes pour l'ensemble de la saison productive et à en payer une partie en avance, qui fait en sorte que le producteur, avant que les légumes arrivent à maturité dans le champ, il a une certaine liquidité. D'accord. Il y a un peu d'argent qui lui revient avant même de les avoir vendus, ce qui réduit peut-être un peu les risques financiers du producteur. J'imagine que vous fonctionnez un peu comme ça aussi avec les restaurateurs et avec les magasins de fruits et légumes. Tout à fait. Pas tout à fait, parce que l'ASC est vraiment c'est une entente avec des particuliers. Fait qu'on n'a pas d'entente aussi formelle avec les grandes surfaces ou les marchés d'alimentation ni avec les restaurateurs, mais la confiance qu'on entretient, qu'on cultive avec nos partenaires privés, disons, on la transmet aussi au resto. Moi, j'ai passé 5 ans dans les cuisines, puis j'aime penser que aujourd'hui, je travaille encore en équipe avec cette gang-là. C'est juste que j'arrive un petit peu en amont de la cuisine, mais sur la même chaîne de construction culinaire, disons. Pour les marchés d'alimentation, c'est un lien de confiance qu'on entretient avec les employés des rayons des fruits et des légumes qui, eux, vont transmettre nos produits à la clientèle, mais récoltent en revanche des commentaires pour nous. Fait que la confiance est à ce moment-là un petit peu plus éloignée, mais comme les gens font confiance à leurs fruitiers, ben c'est quand même partagé. Là, on, tout à fait. On travaille encore ensemble. Je pense que vous avez aussi des visées de sensibilisation des gens des îles à leur choix d'un point de vue environnemental, économique, mais aussi sur la santé humaine et sociale. Comment ça se concrétise, tout ça? Cette confiance-là, on essaie de la faire. Quand on travaille dans un climat de confiance, ça amène à... Il y a beaucoup de non-dits qui se transmettent. Hein. Il y a des façons de faire de la sensibilisation sans utiliser de mots. Parce que nous, on s'implique dans notre communauté, puis dans les organismes environnementaux, puis agricoles aux îles. Mais je pense que le plus grand outil de sensibilisation, c'est la façon même qu'on produit nos légumes, puis la façon qu'on vit nous-mêmes. On essaye de faire, de développer notre entreprise sans avoir trop recours au crédit. On rationalise nos déplacements, on minimise l'emballage, puis tout ça. Puis j'imagine que cette approche, elle déteint sur les gens qui collaborent avec nous. Donc, une approche plus communautaire dans un milieu plus petit que, mettons, des régions plus densément peuplées. Oui, ben, cette communauté, à mon avis, elle se recrée un peu dans les villes à travers ce type d'initiative. Mais c'est évident qu'ici, c'est, disons, plus naturel, entre guillemets. Là. Mm-hmm. Le mode de vie que vous décrivez, est-ce que ça ressemble pas un peu à ce qu'on appelle généralement la simplicité volontaire? Oui. En fait, c'est vraiment le mot juste, même si... c'est une étiquette aujourd'hui, là, on se sent un peu brandé là-dedans, puis on peut paraître un peu prétentieux d'essayer de donner un exemple aux autres, là, de prêcher, mais en même temps, on dit que si nous, par l'application de ces principes, on peut faire preuve de bonheur, on peut prouver que la simplicité volontaire, c'est réalisable et c'est même désirable parce qu'on est heureux à travers ça, ben peut-être ça va inciter les gens à l'adopter à une plus ou grande mesure et peut-être embarquer dans un virage un peu plus éco-responsable, disons. OK, donc vous misez sur la force de votre exemple sans nécessairement en parler avec les gens des îles. Moi, j'en parle parce que à côté de la ferme, je fais beaucoup de contrats à caractère de sensibilisation ou de conservation. Mais à un moment donné, on s'écœure de s'entendre parler, là, puis on a envie de... c'est comme ils disent en anglais, do what I say, don't do what I do, c'est le contraire. Si moi, je démontre que c'est faisable et c'est agréable, j'ai l'impression que le monde va se sentir moins sermonné et plus invité je le croirais aussi. À participer à quelque chose, oui. Je pense que vous travaillez aussi sur des outils d'aménagement agroforestier qui visent des objectifs en rapport avec la production alimentaire et donc la résilience de la communauté. Comment les gens des îles voient ça? Mon projet agroforestier découle de mes études, mais c'est essentiellement une application à plus grande échelle, disons à l'échelle des paysages, des mêmes pratiques qu'on applique dans nos jardins. Là, on parle de plus en plus de permaculture dans les médias, mais c'est essentiellement une application de la permaculture à une plus grande échelle. Moi, je vise essentiellement à améliorer la capacité de mon territoire à produire de la nourriture et à résister aux différents bouleversements qui vont être liés au changement climatique et à la vulnérabilité économique. Fait que je travaille beaucoup avec à gérer le vent, les eaux et à diversifier les productions possibles aux îles. Oui, j'imagine que le vent doit représenter un élément important sur le territoire pour la production agricole et ou forestière. C'est énorme. En fait, malgré le fait que le territoire est petit et le sol est peu fertile, c'est le vent qui limite en très grande majorité la possibilité de développement, du développement végétal ici. Donc moi, ce que j'essaie de développer, c'est un outil d'aménagement du territoire par des arbres. Finalement, la façon qu'on plante et qu'on séquence des plantations d'arbres peut favoriser des meilleures conditions de croissance pour des productions agricoles, mais aussi pour des productions forestières, tout en limitant l'impact du vent sur les maisons et en facilitant l'infiltration de l'eau dans le sol, par exemple. Fait que c'est vraiment, encore une fois, de recréer les dynamiques écologiques naturelles qui ont été un peu mises de côté avec le développement résidentiel. Puis, quant à l'eau potable, qui pourrait être un élément important pour à la fois la population, mais aussi l'agriculture et la foresterie? Oui. En fait, il y a eu un BAP dernièrement aux îles sur l'exploitation gazière puis les frais qu'il a eu sur la nappe phréatique. Et là, pour ceux qui pourraient être intéressés, c'est un très beau portrait de la dynamique de l'importance de l'eau aux îles, mais ça se résume au fait que on est dépendant sur une nappe phréatique pour toute notre eau potable, tant du point de vue humain que faunique et floristique. Des aménagements agroforestiers peuvent aider à retenir l'eau sur le sol. Là, je vais tomber dans les technicalités, mais la nappe phréatique se recharge par les précipitations, surtout les précipitations hivernales. Mais là, la neige, étant donné la petitesse de notre territoire, souvent elle se fait balayer jusqu'à la mer. Donc là, les arbres aident à retenir la neige sur le sol des îles. Et là, quand la neige va fondre, elle aura plus de facilité à s'infiltrer jusqu'à la nappe phréatique avant de couler jusqu'à la mer. Parce que là, on parle souvent d'échelles de 500 mètres à 2 km. Là. On n'a pas des rivières sur 25 km aux îles. Non, effectivement. Donc, des haies agroforestières qui protègent pour le sol pour être en mesure d'avoir une agriculture plus intéressante pour la population. Oui, c'est ça. Ça favorise des conditions de culture en limitant le vent. Ça améliore l'approvisionnement en eau, entre autres pour l'agriculture, en favorisant l'infiltration dans le sol. Ça favorise aussi la gestion intégrée des prédateurs des cultures, parce que on s'entend que quand on implante des buissons ou des arbres dans un champ, ça attire différents insectes qui peuvent agir en tant que prédateurs pour les ravageurs des cultures. Et ça, c'est sans parler de tous les bénéfices productifs d'une haie. Moi, je travaille surtout avec le saule, qui est une essence à croissance rapide utilisée à travers le monde pour faire de la biomasse ligneuse, qui est utilisée pour carrément chauffer des maisons. Fait que là, on s'entend qu'on parle d'un aménagement très intégré avec beaucoup de retombées allant jusqu'à l'approvisionnement énergétique. Aux îles, on chauffe, toute notre électricité provient d'une centrale thermique au mazout lourd qui est très polluante. Donc, on a vraiment intérêt à trouver des sources d'énergie alternatives locales. D'accord. Alors, vous, avec votre aménagement, mais aussi avec le vent, les éoliennes doivent être intéressantes pour les îles. Oui. Il y a un projet à l'étude pour faire 3 grosses éoliennes sur le territoire, mais là, on s'entend encore. C'est un très petit territoire, c'est des très grosses éoliennes. Il y a eu toute une levée de boucliers parce qu'il n'y a personne qui veut avoir ça dans sa cour arrière. Avec le dernier rapport de la Commission sur les enjeux énergétiques, ces projets-là sont remis en question. Fait que, d'accord. Je ne veux pas critiquer le développement éolien, c'est juste que, on ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Nathalie, il nous reste au maximum 2 minutes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pour les capacités d'adaptation des îles, par exemple, vos outils pour développer les capacités d'adaptation, les retombées pour le milieu? Je pense qu'on en a... On en a assez parlé? Plusieurs, là. Oui. Pour moi, l'adaptation, c'est de se donner les outils de faire face à l'imprévu. Si on décide que l'essentiel de notre vie, les besoins essentiels, c'est la nourriture, c'est l'énergie, c'est l'abri, puis c'est les liens communautaires. Pour moi, la production alimentaire et forestière sont des outils qui développent les capacités d'adaptation d'une communauté et qui créent des liens parce que ça force les gens à travailler ensemble. C'est drôle parce qu'on vit dans... C'est pas drôle, en fait, mais on vit dans une époque où les gens sont de plus en plus remis à eux-mêmes. On vit dans une ère d'individualité et tout, là. Et pour moi, le sol et la nourriture sont des symboles d'espoir qui, par une simplicité complètement désarmante, nous donnent des outils à faire face à un avenir qui a tendance à faire peur. En un mot, Natalia, est-ce que commercialement, ça commence à porter fruit? Ben, pour l'instant, les gens me regardent avec un sourire bienveillant en me trouvant un petit peu naïve, mais moi, je vous dirais que toutes les études internationales comme locales vont vous dire que l'investissement dans les énergies renouvelables offre une création d'emplois 10 fois plus grande que dans l'investissement dans les énergies non renouvelables. Mais merci beaucoup, Natalia. Ça a été très intéressant. Merci. Au revoir. Alors, l'émission tire déjà sur sa fin, mais avant de nous quitter, on va voir avec Mickaël quelles sont les activités progressistes qu'on pourrait faire cette semaine. Oui, rebonjour. Ben, je rappelle, cette semaine, on a ajouté environ une trentaine d'événements aux médias réseauforum.org. Donc, c'est là que vous pouvez voir tous les détails, là. Réseauforum en un mot, au singulier. .org. Donc évidemment, on fait un spécial Journée internationale des femmes. D'ailleurs, dans le monde de défense des droits, on dit des femmes et non pas de la femme. Je ne veux pas le dire en détail, mais c'est pour rappeler que c'est une journée de célébration des luttes des femmes pour leurs droits et libertés, l'équité, ainsi de suite. Parce que des fois, il y a des gens qui pensent qu'on célèbre la féminité, mais c'est plus profond que ça. La semaine passée, on en a nommé plusieurs, mais je vais en renommer encore plusieurs activités qui portent la question des femmes. Mais vous allez voir, la plupart des activités s'adressent à tous les êtres humains, donc aux hommes aussi. Ce soir, à 19h, il y a le cabaret du 8 mars. Donc ça, c'est pour les femmes seulement, par contre. C'est des prestations amicales de gumboot, slam poésie, chansons, contes, fanfares, etc. Donc je pense que ça va être très amusant pour les femmes seulement au bar Coop L'Agité à 19h. Aussi ce soir, par contre, activité mixte, on a les femmes à plumes. Les femmes à plumes, c'est, on pourrait dire, des prestations de lecture de lettres que des femmes se sont écrites entre elles à travers l'histoire. Ça va être suivi de chansons de France Bédard qui va être au piano. Donc ça, c'est à 20h au Studio P. Le Studio P, c'est juste à côté de la librairie Pantoute sur Saint-Joseph-Est. Ensuite, lundi 10 mars, Cinéma Politica présente le film « Que se cache-t-il derrière le ruban rose ?» Le ruban rose, si je ne me trompe pas, c'est la recherche sur le cancer du sein, je crois. Tout à fait. Oui, donc c'est un film qui critique un peu l'industrie qu'il y a derrière ça. C'est sous-titré en français, suivi d'une discussion. Donc c'est Cinéma Politica, là, c'est suivi d'une discussion, c'est sûr, à 19h au pavillon Desjardins. Ensuite, mardi 11 mars, La naissance de Limoilou, avec Régent Lemoine, avec l'historien Régent Lemoine. Je pense que le titre dit tout, là. Je ne vous expliquerai pas c'est quoi. Il va faire une présentation historique de la naissance de Limoilou. Sauf que ça n'a pas lieu à Limoilou, ça a lieu à Sainte-Foy. C'est donc mardi 11 mars, 19h15, aux Sœurs de Saint-Joseph à Sainte-Foy. Ensuite, il y a une pièce de théâtre que je veux mentionner, puisque ça me touche beaucoup. C'est l'histoire de Anna P. P, puisque son nom de famille russe est un peu dur à prononcer. Le titre, c'est « Femmes non rééducables ». Femmes non rééducables, parce que c'était, donc en mots, en musique et en projection, on aborde les questionnements de cette journaliste russe, qui était une des rares à couvrir le conflit assez horrible en Tchétchénie. Une guerre horrible dont les autorités ne voulaient pas vraiment entendre parler. Et en 2006, le jour de l'anniversaire de Poutine, elle a été retrouvée assassinée. Une vingtaine d'autres journalistes ont été assassinés aussi après l'élection de Poutine. Et donc, je pense qu'il faut absolument en parler. Ça me semble très pertinent. C'est le théâtre Premier Acte qui présente cette pièce-là du 11 au 29 mars. Théâtre Premier Acte. Et finalement... Jeudi 13 mars, il y a une discussion sur comment rendre abordable le transport en commun pour les personnes à faible revenu. Parce que comme vous le savez, il y a, Il y a un rabais pour les étudiants et étudiantes, les personnes âgées, mais les personnes à faible revenu, on aurait intérêt à ce qu'ils puissent utiliser le transport en commun plus librement. Et c'est, donc ça, c'est animé par le CAPMO, qui est le Carrefour d'animation et de participation à un monde ouvert. Donc, pour faire bref, jeudi 13 mars, 18h30, au 435 rue du Roi. Pour conclure, vous donner un petit peu un topo de la semaine. Là. Juste ce mercredi, il y a 9 activités ou événements engagés. Qui passe par l'écologie, la hausse des loyers, la répression policière, Haïti, etc. Donc, vous irez voir là, sur le Média Réseau Forum, il y en a pour tous les goûts. Et aussi, la fin de semaine prochaine, il y a un forum du Conseil québécois de la coopération. Donc, je présume que dans les auditeurs, auditrices, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au modèle coopératif. On en parle de temps en temps. Donc, je pense que ça va être aussi aller voir. Voilà. Donc, si vous voulez voir tous les détails, les lieux et les nombreuses autres activités à Québec, réseauforum.org. Excellent. Bon, nous avons donc l'embarras du choix cette semaine. Alors, je vous rappelle que si vous voulez voir les coordonnées d'un des événements qui a été nommé par Michael, vous pouvez aller voir le site réseauforum.org. Et donc, c'est ainsi que notre émission va s'achever. Donc, merci à toute l'équipe pour la réalisation de l'émission cette semaine. L'équipe technique, Michel Monette à la réalisation et Frauke Boss à la technique. Merci à nos chroniqueurs, l'économiste Yannick Marcil pour son utopie concrète du mois sur l'équité salariale, Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, Nicole Moreau avec sa chronique mensuelle, cette fois-ci sur l'autonomie alimentaire, et enfin Michael Lessard pour le calendrier du Réseau Forum Social. Je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles sur notre site web. Vous pouvez aller au ckrl.qc.ca et sur notre blog legraindesableqc.wordpress.com où vous trouverez également le lien sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter, etc. Vous disposez donc de plusieurs possibilités pour nous faire part de vos commentaires, suggestions et opinions. Au plaisir de vous lire. On se retrouve samedi prochain à compter de 13h pour une nouvelle émission du Grain de sable d'Attaque Québec. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Demeurez à l'antenne pour l'émission qui suit, les Geeks contre-attaque, sur les ondes de CKRL 89.1, la radio qui cultive vos goûts. Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais...